Cadeau pour Noah. Lecture de son texte. Poussière d'étoiles. Décembre 1975. Pour nombre de personnes présentes à cette table, ce départ définitif de la part de l'héritier des Blacks est une bonne chose. De toute évidence, ce garçon n'était pas à la hauteur de la noble maison des Blacks. Mais pour le cadet, qui est encore assis à la table, c'est un nouvel affront que vient de lui faire son frère. Maintenant, c'est à toi de continuer d'être à la hauteur pour pouvoir diriger et gérer les Blacks dans les années à venir. Dit Orion, ferme. Je fais tout pour, père. Et sache te trouver une fiancée digne de ce nom, surtout. Aucun sang impur ou traître à son sang ne peut s'associer à notre noble nom. Oui, mère, soupire Régulus. J'ai toujours la liste des meilleures héritières de notre époque, continue Walpurga. Nous verrons cela dès demain. Régulus ne daigne même pas répondre. Il sait ce qu'il encourt à se confronter à ses parents, surtout à ce sujet. De plus, il n'est pas aussi courageux et fort que tout le monde croit. Il a de nombreuses peurs qu'il cache grâce à sa froideur et la non-expression de ses émotions. Régulus Arcturus Black, dit sa mère dès le lendemain matin. Il est plus que temps de te trouver une fiancée. Narcissa ainsi que Bellatrix étaient déjà fiancées à ton âge. J'ai le temps pour ça, dit Régulus. Je choisis moi-même ta fiancée, dit Orion. Et dès cet été, vos fiançailles auront lieu ici même. Je suis assez grand pour choisir avec qui je finirai ma vie, soupire Régulus. Je ne vous décevrai pas. Ton mariage ne doit pas être un mariage d'amour, continue Orion. C'est un mariage d'alliance et de pouvoir. Je choisirai la meilleure héritière pour continuer de faire prospérer notre famille. Et pour être sûr que tout se passera comme nous l'avons prévu, dit Walpurga, je t'attends dès la fin de ce petit déjeuner dans la bibliothèque. Oui, mère. Le futur héritier des Blacks rejoint donc sa mère dès la fin de son premier repas de la journée. Régulus Arcturus Black, dit Walburga quand son fils rentre dans la pièce. Dès aujourd'hui, et pour le reste de ta vie, l'amour sera obsolète dans ton cœur. Au premier baiser et aveu de sentiment de ta part à l'être aimé, ton cœur se noircira et tu mourras instantanément. Ton corps deviendra poussière et s'envolera des bras que tu chériras tant. Le sort est alors jeté, et la rune signifiant la mort est inscrite sur l'intérieur du poignet droit de Régulus. Ce sort nous permettra de choisir une vraie fiancée pour toi. Continue Walburga, ton père et moi avons tâché de faire honneur à notre famille. Notre descendance doit être parfaite, et tu dois l'être également. Régulus ne dit rien, et retourne dans sa chambre. Cette malédiction ne l'empêchera pas de réussir ses études. Les jours passent et la rentrée de janvier se fait. Nombre d'étudiants sont heureux de se retrouver et de se raconter leurs fêtes de fin d'année et le déroulé de leurs vacances. Sur le quai du Poudlard Express, Régulus voit son frère rigolant avec ses amis. D'un côté, il est heureux de ne plus avoir à le côtoyer. Il peut enfin être à la lumière et faire la fierté de ses parents. De l'autre, il l'envie. Il meurt d'envie de vouloir être proche de lui, d'être de vrais frères et d'avoir de réelles amitiés, sans fond de pouvoir et de jugement perpétuel. Régulus Black, dit Bertie Croupton Jr. T'es avec nous ou pas? Faut te réveiller et arrêter d'être dans la lune, si tu veux accéder au pouvoir un jour. De ce qu'on dit en plus, rigole Avery, c'est que la chose qui te sert de frère, c'est barrer de chez vous. T'es enfin le véritable héritier des Blacks. Enfin, soupire Régulus, comme si ça me faisait quelque chose. Il ment, il le sait. Ça lui fera toujours quelque chose au fond de son cœur. De toute façon, il servait à rien pour vous. C'est vrai, dit-il. D'ailleurs, il faut que je trouve un truc pour me venger. Et pourquoi te venger? Demande Avery. Ce minable ne vaut plus rien pour avoir faibli à sa tâche. Un dernier moment où je peux lui montrer qu'il n'aurait pas dû se mettre à dos les Blacks. Couche avec son soi-disant meilleur ami Potter, là, propose Evan Rosier. Pourquoi faire? Demande Avery. Il est tout le temps avec Sirius, dit-il. Ça se voit, il est fou de lui et ferait n'importe quoi pour lui. Fais-le tomber dans tes bras et révèle après à ton frère ce que tu as fait. Tu vas voir qu'il tombera bien bas. Il se sentira trahi par son meilleur ami et sa vie entière sera détruite. Mais avant, fais en sorte que Potter soit bien fou de toi et fais-le hésiter à trahir ses amis pour toi. Régulus se lève, alors, et part en direction de la sortie. « Tu fous quoi ?» demande Barty. « Commencez à mettre à exécution ce plan. Le couvre-feu est passé depuis longtemps et les Gryffondors sont connus pour respecter le règlement. Si Potter, Black et compagnie respectaient le règlement, ça saurait. » soupire Régulus en passant la porte. Le jeune Black avance alors à pas de loup dans les couloirs sombres du château. Et si, par mégarde, un prof le voit, il sait qu'il est mort. « Purée, Sirius, ton frère saoule, là !» râle la voix de James Potter. « Toujours à traîner dans les couloirs quand on veut mettre en place une de nos blagues. »« Mon très cher James, » dit Sirius de façon grotesque, tout en chuchotant, « tu pourrais éviter de hurler dans les couloirs. » Mago nous a bien prévenu que la prochaine fois qu'elle nous chope, on est interdit de Quidditch jusqu'à nouvel ordre. « Mais fermez-la » dit la voix de la sagesse du groupe, le bon Rémus Lupin. « Ce n'est pas compliqué pourtant. James, si Régulus est dans ce couloir, ce n'est pas en criant que tu vas le faire fuir. Et Sirius, ce n'est pas en t'arrêtant toutes les 15 secondes qu'on va réussir à rentrer sans se faire voir. » Régulus est tapis derrière une des nombreuses tentures du château. Il observe la bande de bras cassés de son frère et surtout il observe sa cible, James Potter. James Potter, adolescent arrogant et incroyablement beau de 16 ans, a la chevelure des plus ébouriffées, mais aussi à la prestance quasiment inégalable selon notre reporter sur place, Régulus Black. Il reste juste à déposer le flacon devant les portes de la grande salle. Dit James. Retournez au dortoir, j'y vais. Je viens avec toi, dit Sirius. Pas de foot, soupire Potter. On n'entre plus à deux sous la cape. Je vais me dépêcher, je te le jure. Et heureusement, dit-il. Je t'attends dans mon lit. Mooney va être jaloux. Mooney dit surtout de vous taire, soupire Rémus. Et purée, Sirius, arrête de faire l'enfant et viens avec nous. Les quatre amis se séparent et seul Potter part en direction de la grande salle. Pour Régulus, c'est le moment d'agir, il le sait. Alors comme ça, on traîne dans les couloirs après le couvre-feu ? Dit Régulus en sortant de sa cachette. Mini Black, dit James. Tu es sorti aussi, à ce que je vois. Un serpentard qui respecte les règles, ce n'est pas près d'exister, rigole-t-il. Contrairement à vous, les Gryffondors, nous ne sommes pas des vendus. Je suis devant toi à plus de 23 heures et tu me prends pour un vendu. Comme quoi Sirius avait raison. Tu as bien de la merde dans les yeux. Mais Sirius n'est pas là tout de suite, dit-il. Le petit toutou Potter n'a plus son maître avec lui. Sirius n'est pas mon maître, soupira une fois de plus James. Maintenant, j'aimerais partir. Ok, alors je vais te balancer à McGonagall. Les Gryffondors vont devoir faire sans leur capitaine samedi prochain. Si tu m'as vu, c'est que t'es debout aussi, dit James en levant les yeux au ciel. Ce serait dommage pour toi. Mais si je suis puni avec toi, c'est un bonus non négligeable. Tu joues à quoi, Mini Black ? Demande James. Si tu n'as pas vu qui tu avais devant toi, je vais te le dire. James Potter, 16 ans, meilleur ami de ton frère, mais surtout maraudeur à temps complet. Tu saoules, dit Régulus en repartant et en ricanant. Ne traîne pas trop, n'oublie pas que j'ai des yeux partout. James ne comprend pas ce qui vient de se passer, mais n'en démord pas. Il fait ce qu'il a à faire et rentre dans son dortoir en s'affalant sur son lit. Le lendemain, c'est un Régulus pensif qui rejoint son cours de potion. Il se demande comment il peut faire tomber amoureux James de lui, si même James ne comprend rien à ses sous-entendus. « Oh, Régulus !» dit Barty en plein repas du midi. « Ce n'est pas le moment pour rêvasser. Hier soir, quand tu es rentré, tu ne nous as rien raconté de ta balade nocturne. » Tu as pu lui parler ou l'observer ? Je lui ai parlé, mais il est juste trop con pour comprendre les sous-entendus. Menteur que je lui ai dit, souffle Régulus. Je vais continuer de persister, d'essayer, de tenter jusqu'à ce qu'il cède. On parle d'un Gryffondor. Normal qu'il soit con. Tout le petit groupe se met à rire, se moquer des Gryffondors est un passe-temps comme un autre. Quand on est à Serpentard, aux prémices d'une guerre qui verra s'affronter le bien et le mal. Du côté des Griffons d'Or, un brin à lunettes a aussi réfléchi à ce qu'a dit Régulus, et ses problèmes de sommeil n'ont quand même pas réussi à lui donner un semblant de réponse cohérente. Sirius demande alors James sur le temps de pause. Ton frère est tout aussi gay que toi ou pas? Le pauvre Sirius, qui ne s'attendait en rien à cette question, recracha le merveilleux boucher de chocolat qu'il avait piqué à Rémus. Régulus? Sérieusement, James? Tu viens réellement de me demander ça? On parle bien du même Régulus qui est le bon chien à ses parents, du même Régulus à Serpentard, du même Régulus qui obéit à tout le monde et qui finira forcément avec une fille de bonne famille choisie par ma mégère, grâce à des critères tout aussi profondément débiles. Oui, lui-même, soupire James. Hier soir, quand vous êtes rentré au dortoir, il est venu vers moi et m'a dit des choses bizarres, un peu en mode « c'est un bonus trop bien si on est puni ensemble ». Il avait l'air bizarre. « Méfie-toi, Prongs », dit Rémus pensif à côté. « C'est un serpentard et le frère de Sirius. Il voudra forcément se venger où on lui a demandé de se venger de Sirius. Et pour ce faire, il va t'utiliser. » « T'inquiète pas, Mooney, je vais faire attention. » Malgré ces belles paroles, le beau Griffon d'Or reste pensif. Il doit démêler cette histoire au plus vite, sinon ses pensées continueront de tourner et de s'agiter. Mais avant de continuer à réfléchir à ça, il doit retourner dans son dortoir pour aller chercher la carte pour leur escapade d'après-cours. « Ah tiens, mais qui voilà ?» dit Régulus au détour d'un couloir. « Ne serait-ce pas notre James Potter international ? Une star au Quidditch, admirée de tous et surtout admirée des filles pour sa beauté légendaire. « Que me veux-tu, Régulus Black ?» demanda James, curieux. Il se dit que cette discussion l'aidera peut-être à comprendre les motivations plus profondes de Régulus, et pourquoi il commence même à lui parler. « Tu sais qui je suis, et ce que je suis capable de faire, alors pourquoi est-ce que tu viens me parler? Qu'est-ce que tu veux de moi? Si tu veux te venger de Sirius, ce n'est pas en t'attaquant à moi que tu vas réussir. Pourquoi voudrais-je me venger de mon soi-disant frère? Il nous a abandonnés, et c'est tout à son honneur. » Maintenant, je suis enfin sous le feu des projecteurs de mes parents et j'ai toute leur attention. Je peux briller par mes qualités intellectuelles et par ma maîtrise parfaite de l'histoire de notre famille. Je vais enfin pouvoir être le digne héritier de la famille Black et me faire respecter en tant que tel. Super pour toi. Maintenant, est-ce que je peux partir et qu'on ne se parle plus jamais? Lui demande alors James en commençant à s'avancer. Régulus lui bloque la route de son bras et commence à parler. C'est moi qui décide quand tu pars d'ici. Et pour répondre à ta question, j'ai décidé que je voulais savoir la recette de ton succès, pour moi-même m'en inspirer. Pourquoi je te le dirais? Tu es Serpentard, le frère de mon meilleur ami qui déteste l'entièreté de sa famille, et surtout un Black qui ne voit que par la pureté du sang. Parce que je vois comment tu tiens à Sirius, je vois comment tu tiens aux gens en général et surtout à la petite rousse. Il est peut-être temps de vraiment la conquérir en la rendant un peu jalouse. On commence par se rapprocher tout doucement, quelques mots et gestes amicaux, puis on passe à l'étape supérieure. On n'attend rien de l'autre et on fait ça juste pour s'entraider. Et pour l'instant, on le fait juste pour nous, et on le dira aux autres plus tard. Pourquoi je te ferai confiance? Qu'est-ce qui m'assure que tu ne diras rien à personne sur le petit jeu que tu veux mettre en place? Je suis un Serpentard et tu as un Griffon d'Or. Si une seule personne l'apprenait, on serait tous les deux mal vus. Et moi encore plus avec toutes mes histoires de famille. Tu as le temps de réfléchir et de me donner ta réponse, si ton pauvre cerveau n'est pas capable de réfléchir plus de 3 secondes d'affilée. Non, c'est bon. J'accepte ton deal. Je rajoute une seule condition, dit Régulus franc. Sous aucun prétexte, on ne s'embrassera. Et pourquoi donc, si on joue à être ensemble, c'est s'embrasser aussi? Crois-moi, tu ne veux pas le savoir. Cette condition dite, tu ne chercheras plus à en savoir davantage et ce sujet restera tabou. Je suis d'accord si on peut parler de tous les autres sujets. Je marche, dit Régulus en se retournant et en repartant faire sa vie. Il va donc à son dortoir et récupère l'objet de ses désirs et finit par percuter une jolie rousse dans la salle commune. Oh, Potter, tu peux faire gaffe et éviter de me rentrer dedans? Mais quand je te vois, ma douce Tilly, je n'ai d'œil que pour toi, et tout devient flou. Arrête avec ça, dit-elle en repartant sur un pas vif. Notre protagoniste continue alors son chemin, toujours dans ses pensées. « Oh, Prongs, on est là !» dit Sirius en l'arrêtant d'un coup. « Purée, dans quoi je me suis embarqué ?» se demande James à voix haute. « T'es avec nous ou pas ?» demande Remus. « Oui, bien sûr !» dit-il en se secouant la tête. Ses amis le regardent bizarrement, mais la journée continue. Le soir, c'est un petit mot que James trouve sur son oreiller. « Est-ce ta Lily Jolie qui t'envoie une déclaration d'amour ?» se moque Sirius. « Oh, tais-toi, je n'en sais rien. » « Pas besoin d'être sur la défensive comme ça, » lui répond-il. « Depuis ce midi, tu prends tout mal. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» enchérit Remus. « Rien, ne vous inquiétez pas. »« James Flea mon Prongs, Insomniac Potter, » dit Sirius. « Si tu t'es mis dans la merde, dis-le nous. »« Mais non, » lui répond son meilleur ami. « Maintenant, laisse-moi lire ce mot. » Le courage est de mise chez les Griffons d'Or, et si ton cœur est d'or, tu te dois de respecter tes engagements et tes serments. Aux aiguilles qui se rencontrent sera le moment de notre rencontre. Viens au plus haut de l'école, mais attention au protocole. Signez son secret. Alors, c'est quoi ? Demande Sirius curieux. Rien d'important, soupire James en brûlant le papier. Des fois, tu me fais vraiment peur, lui dit son meilleur ami en se décalant. Les heures passent, et lorsque la chambre est plongée dans le silence de la nuit noire, un brin insomniaque se glisse hors de ses couvertures. Puis, muni de son meilleur outil, objet sacré des maraudeurs, la cape d'invisibilité héritée de ses ancêtres, il fonce vers la tour d'astronomie. « Te voilà ?» dit Régulus, seul et sans défense. « J'aurais pu arriver avec plusieurs personnes et te piéger. Me fais-tu confiance à ce point ? J'ai mes méthodes pour surveiller les malveillants, et ceux qui me voudraient du mal. Toi le premier devrais savoir que durant mes 5 dernières années de bêtises, et de maraudes en tout genre, nous nous sommes attirés non seulement des admirateurs, mais également nombre d'ennemis. Je le sais bien, soupire-t-il, vos secrets en fascinent plus d'un. Moi le premier, je ne peux le nier. Malheureusement pour toi, comme pour moi, certains de mes secrets seront emportés dans ma tombe. Celle-ci arrivera plus vite que tu ne peux le penser. Si tu veux me tuer, je te conseille de ne pas le faire ici, rigole James. À la seconde où Sirius, Remus ou Peter ne me verront plus dans mon lit, ils me chercheront partout. Je ne compte pas te tuer, du moins pas aujourd'hui, renchérit Régulus après un temps de réflexion. C'est génial. Mon rendez-vous va me tuer. Tu prends tout à la rigolade et ça me plaît. En fait, tu peux être intéressant quand on te connaît. Tu m'as parlé 20 secondes en dehors de ce que tes parents ont pu dire sur moi et tu penses me connaître. Mon cher Régulus Arcturus Black, sache que James Potter cache plus de choses que tu ne peux le penser. Maintenant, si tu veux jouer avec moi, tu peux, mais je le fais aussi. Alors, et ma première question sera la suivante. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire semblant d'être avec moi pour rendre jalouse Lily Evans ? Que gagnes-tu en me rendant service ? C'est plus une question, ça, Potter. Ne joue pas à ça avec moi, Mini Black. J'apprends à te connaître, tout simplement. Mes parents nous parlaient de nombreuses choses sur les 28 sacrés, et tout porte à croire que c'était arrangé à leur façon. J'ai commencé par toi, car ta famille est une des plus importantes dans le monde sorcier, et de par vos exploits, vous avez aidé à faire progresser notre monde dans divers domaines. Et pourquoi toi, en particulier, me demanderas-tu ? J'espère bien que tu ne penses pas que je vais avoir l'audace de me pointer dans un village moldu. J'ai un honneur à tenir et une vie longue à avoir. De plus, tu es le seul Potter en vie dans cette école et tu es populaire. Donc beaucoup de raisons de jouer au jeu que nous jouons. Un jeu dangereux, mais un jeu qui me plaît. J'aimerais te voir près de moi, malgré tout, dit James, serein. J'aime aussi te voir près de moi. Vois le meilleur ami de mon frère près de moi, vois l'un des plus populaires de l'école près de moi, et je pourrais continuer comme ça la liste des choses qui font de toi ta personne, qui font toi ta personne. J'ai vraiment hâte de te voir plus souvent, Régulus Black, répond James en se levant. Moi de même, James, lui sourit à moitié Régulus, et sans que le Serpentard ne s'y attende, il se fait envelopper dans les bras du capitaine de Quidditch de l'équipe des Griffons d'Or. C'est quoi ça ? Lui demande-t-il en essayant de le repousser en vain. Je n'ai point le droit de t'embrasser, alors c'est câlin obligatoire. C'est bon, souffle Régulus en arrêtant de se débattre. Je t'y autorise. À plus tard, Mini Black, dit James en repartant. Rejoins-moi demain soir à la même heure. C'est alors, au coin du couloir, qu'un vide apparaît et qu'un maraudeur disparaît. Le lendemain matin, James Potter baille de toute son âme sur son petit déjeuner. Mais ses amis ne s'en occupent même pas. Ils connaissent ses crises d'insomnie redondantes. On va écraser ces serpents de malheur, dit Marlon McKinnon en arrivant à la table munie de son plus beau pull aux couleurs des rouges et or. Cette Gryffondor de sixième année est l'une des poursuiveuses de l'équipe des Gryffondor, tenace et audacieuse. Son but est d'écraser chaque équipe, quitte à risquer les mouvements les plus difficiles possibles. Évidemment, dit James revigoré. Puis un détail lui parvient de la table opposée, un garçon aux cheveux noirs qui parle avec ses coéquipiers. Regulus Black est dans l'équipe de Serpentard. En avant alors, crie Marlène au travers de la salle en courant vers le stade. Et malgré un temps pluvieux, une chute d'au moins 20 mètres arrêtée au dernier moment par Dumbledore et un brin à lunettes déconcentré par l'attrapeur adverse, les Gryffondor gagnent ce match. Le soir, c'est une immense fête qui s'organise à la gloire de l'équipe, la bière au beurre coule à flot et les emballages de multiples friandises s'accumulent sur la table près de la cheminée. Vers minuit, c'est le capitaine qui essaie de s'éclipser discrètement. « Tu fous quoi ?» lui demande son meilleur ami, passablement éméché. « Je vais chercher des choses d'en plus à la cuisine. Je reviens. » lui explique-t-il. Il déteste mentir à ses amis, mais il n'a pas le choix, surtout à son meilleur ami. Il ne pourra jamais lui dire le stratagème qu'il a mis en place avec son frère. « Viens avec toi, » dit-il en titubant. « Sirius, stop, » dit James, franc. « Reste là et amuse-toi, je reviens vite. On est trop grand à deux sous la cape et tu sais que ce rusard va guetter si on sort comme à chaque victoire de l'équipe. »« Reviens vite alors, » dit Sirius en retournant à la fête. « Je te le promets. » Un nouveau mensonge lui a donc permis de rejoindre son amant, si le mot est juste. « Je pensais réellement que tu ne viendrais pas, » dit Regulus. « Ta salle commune doit être en fête, vu la victoire de tout à l'heure. Je ne raterai en aucun cas nos discussions. Tu es intéressant, et je souhaite continuer d'apprendre à te connaître. Je souhaite également te connaître plus profondément. Continuons donc nos échanges, » propose James en rigolant. Le temps passe et les sujets divers et variés continuent d'être abordés, mais toujours en surface. Les conversations profondes viendront sûrement dans les jours, semaines, mois qui viennent. Pour l'instant, laissons nos deux protagonistes s'apprivoiser doucement. Ce n'est pas tous les jours que nous voyons un Serpentard et un Gryffondor se rapprocher de cette manière. « James Fleamon Potter !» hurle une voix dans le couloir au bout d'un long moment. « Je m'en fous de me faire surprendre par Ruzard, mais putain, t'es où ?»« Sirius, » dit James. « Je dois y aller. »« À plus tard, » dit Regulus en laissant sa main frôler celle de James. Le beau brin court alors vers la voie et surprend son ami dans le couloir. « Enfin !» dit Sirius. « Tu foutais quoi ? On t'attendait, bordel. T'as même pas de choses à manger. » « Rien d'intéressant. » « Non, Sirius reste là, » renchérit James quand son meilleur ami veut aller vers le plus haut de la tour d'astronomie. Malheureusement, Sirius s'est déterminé et ce n'est pas les protestations de mécontentement de son ami qui vont le faire changer d'avis. Quand il y arrive, c'est vide et seul le reflet de la lune l'accueille. « Prongs, tu faisais quoi tout seul ?» redemande alors Sirius. « Je réfléchissais à la vie, ça te va ? Si quelque chose ne va pas, n'oublie pas que nous sommes là, » soupire-t-il. « Moi, Remus ou Peter ?»« Je sais bien, Sirius, » sourit James. Les jours ont ensuite continué de passer tranquillement et les rendez-vous nocturnes se sont toujours déroulés sans quasiment aucun manqué. Les frôlements de mains ont avancé et se sont transformés en caresses. Maintenant, c'est toujours instinctif que leurs conversations soient l'un sur l'autre, yeux dans les yeux. « Pourquoi certaines nuits tu disparais ?» demande Regulus un soir d'avril. « Secrète maraudeur, je n'en dirai pas plus. » lui répond James en murmurant à son oreille. De nouveau, les frissons qu'ils parcourent lorsque leurs yeux se croisent, lorsque leur souffle se mélange. « Regulus ?» demande Barty un jour de mai. « Est-ce que ça avance le plan avec Potter ? Tu nous as jamais reparlé. » « Tout avance selon mes envies. Tout va bien. » lui répond-il. Au fond de lui, il sait que tout ne va pas bien. James, trop beau Potter, continue d'essayer de draguer Lily Evans. C'était le deal, mais ça lui fait mal. Il ressent plus que de l'amitié pour lui, ils ne sont même pas amis, bordel. Chaque soir, après leur discussion, la voix de sa mère et cette malédiction lui reviennent en tête. Il aimerait arrêter le jeu et ne plus avoir de choses à gérer avec James, mais son cœur veut continuer, donc il continue. C'est dur mentalement de se dire que l'être aimé ne pourra jamais nous aimer en retour et que nous ne pourrions jamais lui dire, sous peine d'en finir sans avoir vraiment commencé. C'était vous ce soir, la poussière colorée dans la grande salle ? Demande Régulus lors d'une des discussions de la nuit au mois de juin avec James. Évidemment que c'était nous, dit James, la fin des examens, la joie de l'été, des vacances qui arrivent, on voulait fêter un peu ça. La fin de nos discussions de nuit, Régulus, Mossad. On reprendra en septembre, dit James, un peu triste. Quelque chose ne va pas ? Demande le Serpentard en prenant le visage de son vis-à-vis dans ses mains. Je t'aime, dit James. Voilà, c'est dit. Je t'aime plus que je pourrais aimer quelqu'un. Je sais que ça ne devait pas se passer comme ça et j'en suis désolée. N'en sois pas désolée, James. Les sentiments sont normaux. Mais tu ne voudras plus qu'on se parle après ce que je viens de t'avouer. Bien sûr que si, dit Régulus. Demain, c'est le dernier soir où on peut se parler avant les vacances et on le fera. Cela ne changera rien entre nous, demande James. Je te le promets. Le lendemain soir, c'est un James un peu triste qui veut rejoindre Régulus. « Tu pars encore ?» demande Sirius. « C'est important aujourd'hui, » dit James. « Je t'en parlerai cet été. »« Bah, va, » dit Remus. « On est là quand tu voudras en parler. » Le brun à lunettes court alors vers la tour d'astronomie et retrouve son Régulus qui l'attend comme quasiment tous les soirs. La discussion reprend comme si aucun aveu n'avait été dit la veille, par seulement l'un des deux. James Potter, après ta déclaration d'hier soir, j'ai réfléchi, coupe Régulus, au bout d'un moment. Je sais bien que je ne pourrai jamais te rendre cet amour, non car je n'en ai pas envie, mais parce que je ne peux pas. Pourtant, je le voudrais, tellement. Si mon cœur ne peut pas te choisir, alors que je te veux pour moi et que tu me veux pour toi, je vais te rendre des sentiments. Les vacances sont là, tu en profiteras pour m'oublier et te concentrer sur autre chose. Que veux-tu dire par là, Reggie ? Demande James, stressé. Tu le verras toi-même, lui répondit-il. J'ai peur. Je ne souffrirai pas si je peux te rassurer. Je l'espère bien, dit James. Je t'aime, James Potter, dit Régulus en l'embrassant. Je t'aime aussi, murmure James, apaisé en répondant au baiser. C'est un baiser doux et sensuel que s'offrent les deux amants de la nuit, un baiser d'amour pour l'un, mais un baiser d'adieu pour l'autre. Quand les deux se détachent, des larmes coulent sur les joues de Régulus, et son corps se poussiérise dans les mains de James. « Régulus ? » crie-t-il alors dans la nuit. Mais rien ne lui répond, la poussière s'envole par la fenêtre, malgré l'absence de vent de cette chose de nuit d'été. James repense alors aux paroles de son amant et comprend que celui-ci est mort en lui avouant son amour. Les pleurs et les cris fusent dans le silence de la nuit noire. En tendant l'oreille, vous pourrez remonter jusqu'au dortoir des Gryffondors car un jeune homme pleure dans son lit. Le lendemain matin, ses camarades de chambre se réveillent et le découvrent toujours en pleurs. « James ?» dit Sirius en le prenant dans ses bras. « Que s'est-il passé ? Il est mort. Régulus est mort !» renifle-t-il. « James ?» dit Remus. « Raconte-nous ce que tu peux nous raconter. » Son corps s'est envolé en poussière. Il m'a dit qu'il souffrira pas. Les larmes continuent de couler et aucun câlin ne peut le réconforter. Ses amis seront toujours là pour lui et ses vacances risquent d'être compliquées. Sirius sait que quelque chose de grave s'est passé bien avant et que plus rien ne sera comme avant. Il n'avait jamais vu son meilleur ami aussi heureux que ces derniers mois.